Maintenant, considérons la voix humaine en tant qu'arme. Maintenant, considérons la voix humaine en tant qu'arme. Maintenant, considérons la voix humaine en tant qu'arme. Maintenant, considérons la voix humaine en tant qu'arme. I'm a gunner, so I will be riding on top of the Humvee, a position they call sniper bait. Touching, huh? Sitting on top of the Humvee gives me the perfect vantage point to view everything. You can clearly see the poverty and wretched conditions these people live in. As soon as we crossed into the country, families lined up along the road to greet us. The children are so cute. Yet sad looking. They yell, "America number one," and give us two thumbs up. We were prepared for this For the first leg of the trip, I didn't see too much other than small run-down clay houses every 100 yards or so. Some of the more advanced families have goats and donkeys, but not much else. Everyone I saw were barefoot and dressed in filthy clothes. I saw a few buildings that were blown up. God! Oh, God! Do this, mein God! Bist du mein Gott? Gott, du bist mein. Du Gott bist mein. Mein Gott bist du. Du Gott bist mein Gott. I'm lying here beside my Humvee under a sky of millions of stars. I can't get over the fact that less than 3 months ago this airport was under heavy airstrikes. What a sight that must have been. Directly across me, about 100 yards away, sits a building with a huge gaping hole where an artillery missile must have hit it. A burnt skeleton of a van sits in front, staring at me. It's finally hitting me that I'm officially in Iraq, and a part of this Operation Iraqi Freedom. It's ironic how peaceful this night is, with such a clear sky and silence beckoning all around. This may be the first time I could get a chance for a good night's sleep. It figures this opportunity will be wasted. What I wouldn't give to have a phone so I could hear a friendly voice, because my own voice is becoming something of a burden. Nous n'aurions probablement jamais cru que nous célébrerions Pâques dans le désert. Mais Dieu est avec nous, et il sera avec nous où que nous allions. Il y a une raison et un but pour lesquels nous sommes tous ici. Dieu nous a choisis pour une mission, être forts et courageux. C'est une bénédiction que nous attaquions à Pâques. C'est un très bon présage. Nous ne devons pas oublier la signification de la Pâque simplement parce que nous sommes ici. Oui, bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun démon, car il est avec moi. Notre Père qui êtes aux cieux, nous prions en ce jour, ô mon Dieu, pour les hommes et les femmes qui portent l'uniforme de l'armée des États-Unis. Armée de terre, de l'air, de mer, garde-côtes et tous les réservistes. Nous prions pour les civils qui soutiennent leurs efforts. Et nous prions, ô mon Dieu, pour les médias dont le rôle est de chroniquer les événements de l'opération Liberté Endurée. En ce jour, nous prions pour que tu étendes ton bras fort autour d'eux pour les protéger, afin qu'aucun mal, aucune blessure, ni aucun danger ne s'abatte sur eux. Nous prions pour que tu réconfortes et renforces leur famille pendant leur absence. Enfin, nous prions, Dieu, pour que tu permettes aux membres de notre service de rentrer bientôt à la maison, afin que nous puissions te rendre gloire pour tout ce que tu as accompli. Car il faut que le président sache que c'est entre ses mains, que ceci n'est pas notre patrie, c'est l'Amérique. Et prions-le pour qu'il nous entende. Prions au nom de Jésus. Amen. Les vieux cadavres puent. I love you. Pire que ma tante, un bas de sang. Madame, oh madame, je ne sais pas qui sont des bons types, qui des fous. Je n'ai jamais écrit autant de ma vie. Atadimantis, tes huttes, tout est couvert de merde. Tu sais qu'on va te convertir, pétasse. Des mouches. Je parie que ça les rend fiers de bouffer les déchets des infidèles. Tu comprends pourquoi ils tirent des gueules pareilles? Tu comprends? Pour bien montrer qu'on allait mettre ici, on parcourt les routes avec des centaines de camions en leur vantant de la bouffe par la fenêtre. I love you. Ça nous ouvre le chemin du taudis. Madame, putain, les femelles locales. Ils nous amusent pas, elle pue l'ennui, l'enculeur solitaire. 60 days without a shower, no real food, and minimum amounts of it. Steaming hot days in the desert, and cold sleepless nights watching for enemy attack. Watch your back. The constant reality that your life could end at any moment. There is always somebody shooting at somebody or somebody shooting at you. There were bombs, rocket, gunfire, people dead in the street. Watch your back. We just go by how some of the older guys react. We just got right out of school. We have no idea what to expect. Things just pop up in front of you so fast. You don't really realize what happened until it's over. Watch your back. They're always on top of you to be ready for anything. You have to have your top-notch training. Watch your back. Watch where their hands go. Don't trust them if they look nervous. Don't trust them if they won't look you in the eyes. If they approach you suddenly, or come up and talk to you just for a minute. Keep your eyes on the rooftops, speeding cars, everyone in the crowd. Watch your back. This is a city where 4 million people love you and 5% wish you dead. We stand out. We can't blend in like they do. You don't know who the good guys are, who the crazies are. Watch your back. watch your back. Le but est de terroriser les terroristes. Il me dit ça souriant, attendant ma réponse. Putain de suceur! Sors, suceur! Dans le combat, je n'aime rien, sauf tirer. L'action me fait chier. Je me souviens d'avoir pensé... Ce n'est pas un bon jour pour Dieu. Un marine vous tringlerait n'importe quoi. Un marine tringlant est un marine heureux. J'en chiale comme un gosse. On s'est dit, ma femme et moi, qu'on allait leur envoyer des steaks pour la fête nationale. 30 tonnes de steaks. On a commencé à en collecter du fric par internet. Le site, c'est des steaks au front pour le 4. .com. Du sang nous gicle à la gueule, comme d'une batterie de seringue. Ce n'est pas un bon jour pour Dieu. Toi, l'humain, sors de ton véhicule. Je peux lui voir le pharynx se ressortant par en-dessus du crâne. Ces gens vivent dans la merde. Si on en descend 100 000, on en aura au moins sauvé 20 millions. C'est cool, sergent. C'est la mitraille m'a donné faim. Je me sens le sang pris, glacé, comme un putain d'enculeur de sa mère avalant ces types qui sortent de partout. C'est cool, sergent. Sors, nom de Dieu. 30 tonnes de steak pour le 4 juillet. Tringlez vous remonte aux marines. À qui ça n'a d'ailleurs jamais fait du bien. Je vois sept types vaporisés. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à nouveau, je ne pourrai pas dormir. Ce soir, la bonne, c'est qu'on en a descendu pas mal. C'est pour ça que je déteste le Mexique. Mon Dieu, je déteste les pays du tiers-monde. Sors de ton véhicule. Ce pays est merdeux et traître, et plus on s'en tire. Le type est tombé doucement sa portière, dans la poussière. Le plus vite sera le mieux. Sergent! Il pense qu'on est con, parce qu'on explose tous ces putains de machins. Hello, mon ami. Tout ce que ces gens vivent me donne envie de gerber. Putain de suceur! Sang de Dieu! Suceur! Brûlez-moi ça, putain! Un système qui est bien et bon pour tout le monde aujourd'hui. Cette type devant mes yeux, vaporisé! Son enthousiasme dans la boucherie. Sors, suceur! Quelques-uns de ces hommes ont l'air sceptiques des commerçants. Sors, putain! Les jeunes marines rient quand ils rentrent à travers l'Irak. La première explosion les aura fait taire. Ils pensent cool, ils pensent putain, allons-y putain, ils pensent putain. Bientôt, ce sont les râles, les agonies qui font leur entrée. On pourrait entendre que putain, quel sang, quel bain de sang. On pourrait entendre que putain, quel bain de sang, que le sang putain gicle comme d'une seringue. Ce n'est que 2 heures plus tard qu'on sait si on a encore son pied. La mission consiste à sécuriser 2 ponts stratégiques sur une route qui traverse Nasiriyah, une ville au sud de Bagdad. Dès que les marines ont traversé le pont situé au sud, ça commence à chauffer! Les marines entendent hurler. Putain, bougez-vous, putain! Les marines entendent hurler. Allez, allez, allez! Certains croient d'abord que leur corps a été soufflé. Ils ne sentent plus rien. All of a sudden, I hear a boom and the track is on fire. Everything was so fast. I knew I was alive, but that's it. Et alors que des marines se dressent à travers la trappe de leurs chars, afin de faire feu sur les Irakiens, d'autres marines tentent d'endiguer le sang qui se répand hors des corps des blessés. Keep moving. Ceux qui sont vivants font part de leur étonnement, mais où est resté leur bras? Mais où tombent les obus? Les marines ont le réflexe de remettre en place leurs entrailles quand elles se sont déversées dans la poussière. Presque morts, déjà vidés, ils veulent demeurer entiers. C'est l'hygiène, l'hygiène de soi. Oh, c'est une sale douche. Shower. Des jours. Cold shower. Quand Ray a commencé sa course, l'explosion s'est produite en face de lui. Minimum. Il a été projeté en l'air. Minimum. Quand il est retombé, du sang s'écoulait de son crâne. Il est parvenu à se relever tout de même. et à ceux ici sur le camion qui flambait à l'arrière et qui s'est brisé dans un fossé quelques centaines de mètres plus loin. That's just my opinion. Dans les chars, il fait noir, mais la communication entre les marines est importante. The voices say that for Bits the driver, it was too late. He died at the scene, the voice says. Dans sa tente, on est seul. They say that some of us were on fire and used their hands to put down the flames. It seems we have been ambushed every day. Pourtant, la propreté est le challenge quotidien du marine. Échanger aussi est vital, autant qu'impossible dans le désert. I just wanted my little girl to see her dead again. Tandis que consommer, par exemple. S'offrir un sous-vêtement de marque dans la boutique du camp vous remonte à marine. It seems you can't see anything but fires. Mais le marine s'informe des événements qui ont lieu au pays. La grêle a brisé des vitrines dans quelques stations de la côte. Les marines trouvent la guerre monotone. Ils attendent qu'il se passe quelque chose. Mais le Pentagone investit. We saw an Air Force A-10 jet. It was strafing the area. It seems you can't hear anything but shots, bombs, shots, and people shouting. Le nombre de marines tués par des feux américains durant la bataille demeure incertain, tandis que le Pentagone investit. I remember thinking, well, I guess this is it. It killed as many as 6 of their comrades. The sergeant said that we might go to the Iranian border to kill mosquitoes. Fuck! No. Fuck! No. I want to go to Baghdad and kill people! Kill people! It's not a good day for God in Iraq. A marine will fuck anything. He will fuck anything. Yeah! Les diverses initiatives visant à distribuer des steaks au front ne sont pas commentées, ni par les autorités, ni sur Internet. Mais le Pentagone investigue. Les marines ont le mal du pays. Pourtant, le Pentagone investigue. Les marines tuent des rats. Le Pentagone est si proche de la victoire. The voice said, sandwiches, steaks, sparrows, skeletons, scorpions, screams, civilians. Les marines shops. Sont mitraillés au hasard. La réplique est d'une telle force insurpassable qu'ils stoppent leurs agresseurs. Les marines appellent ça discipliner les hajis. Les marines ne s'en font pas, c'est juste leur artillerie toute proche. Il Ils s'offrent l'un à l'autre des sourires amusés, grinçant les femmes. D'ailleurs, sont toujours les plus féroces. Vous prenez une salope noire sudiste, ou bien vous prenez une blanche salope riche de Beverly Hills. Elles sont toujours à pleurnicher après vous, putain. And the shithole this country is. I've been all the way to Baghdad and it all looks the same. It's one giant slum. In the country, people live in mud huts. Everything is dirt colored. I'm south of Baghdad, a military airfield. We moved there and guess what? Another dirt field. We own the whole country and we choose to set up in the dirt fields. They all tell us the serious fighting is done and we are pretty much safe. There are no known enemy units left intact. Funny thing is that some of these people still want to shoot at Americans. I guess they didn't get the word, or perhaps they are pissed at us for liberating their country from them, for them. Le silence est brisé par un son inhabituel, par une série de zing haut perché. L'un c'est Colbert, gueule que toi l'homme, tu sors de ton véhicule. Yeah. Yeah. This is cool. Ils ont vu sa charme. Leur fourreau. Les balles en furie labourent la chaussée pierreuse. You were pumped up. You were sitting back going. Yeah, let's go. Yeah, let's go. Yeah, yeah. Yeah. I looked down and thought I didn't have a yard. Yard. Yard was coming out. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Il a été cloué sur place. Il a été cloué sur place. Une bête de sel. Already. What? No. No. No. Thank you. quelques stations de l'Est. I guess this They said the steak was great. They made a barbecue out of a 20-pound barrel and played volleyball. The idea of me and my wife was to buy them a steak. The goal was to collect at least $50,000, enough to buy steak for 6,000 to 10,000 soldiers. So we set up a website, www.steakonthefourth.com. From talking to old soldiers and Marines, they don't traditionally have steak on the 4th of July. They usually have hot dogs. I saw on Fox News that one of the units that was attacked, that they were going ahead with their steak barbecue. Whether it's our project or a parallel project, I cannot tell. There's apparently a lot of secrecy surrounding steaks donated to the military. I can tell you that they don't want the world to know until after the fact. Tous s'extirpent du Humvee et se mettent à couvert derrière des tas. C'est un putain de ZPU, putain. Personne ne sait où il peut bien se trouver, putain. C'est cool, dit l'un. Je crois que je le vois, sergent. Le team de marine le mitraille méthodiquement le feu cesse qui vient du ZPU. Je sais, putain. Ça peut sonner bizarre, dit l'un. C'est très profond à l'intérieur. Je veux savoir ce que ça fait d'être flingué lundi. Je suis plus nerveux en matant un match chez moi à la télévision, tandis qu'ici, dans ce putain de bordel, confie Patrick. Patrick voit un Irakien à plus de 100 mètres. Patrick tire, un seul coup, l'homme tombe. C'est le deuxième tir embusqué de Patrick en Irak. Patrick surnomme son arme Lila ou Petit Ange, comme sa mioche. Patrick est capable de décrire en détail tout coulant de sang chacun des massacres auxquels il participe. Ce pays est sale, tout pourri. Plus vite les marines se seront tirées d'ici, mieux ce sera putain de suceurs. Putain de suceurs, les marines maintenant se trouvent sur une travée qui pourrait être une autoroute allemande car c'est long, putain. Et c'est une structure gracieusement concrète. Première tuerie viennent juste après le soir. Les alertes éclatent, l'un ordonne. Putain d'éclairer vite ce truc là, d'après le règlement. Un véhicule qui ne s'arrête pas au carrefour d'une rue doit être déclaré hostile. Tous ses occupants sont justiciables d'un tir. Toute la patrouille de marine ouvre le feu. Le camion poursuit sa route en beuglant. La tête du chauffeur vient d'être éclatée à ras du tronc. Le camion dérape. Le camion stoppe. Trois hommes sautent hors de la cabine. Ils n'ont pas d'armes. Espéra en position accroupie avec son M4 tire. Patrick crie aux autres marines que... Putain, toute cette fusillade m'a donné faim. Comme si on pouvait se passer des femmes, un verre de cola ou une tringlée pour de l'argent contre deux boîtes de singes, ouais, ma mitrailleuse. Les hommes ont été fusillés d'un côté, les ânes de l'autre. Tous attendent, tous attendent dans la mort, dans un la mort dans un bruit blanc. C'est terrible. Quand on tue, les animaux ânes blessés crient, pièces métalliques passées sur tôle. J'aimerais tirer. J'aime tirer, me vider, une rafale, un souffle, pour me dessiller les yeux. We have one voice and are one voice. Voice is the common space shared by the ones who call. Les petits indigènes écrivent en classe sur ce mur avec des morceaux de charbon. Ce mur doit être chaulé après chaque incendie. Voice is asking us to rethink everything. La peau d'un brûlé qui s'enroule en banilon ne peut pas se passer des femmes quand les crânes défoncés des mosquées reposent, respirent et ne savent pas encore leur prix. Elles arrivent, elles se vendent pour ça. We have one voice and are many voices. En une semaine, elles prennent déjà 3000. Voice is what gives us a place outside of us, in the other's voice. J'ai uriné du sang pendant 3 jours. J'ai eu droit à 29 coups. Il tape, tape, tape, proprement. The voice comes from the office on the face. And opening within the opening, with the voice comes simplicity. With the orifice, the supplication. The requirement with face of many of all. Puis un permissionnaire part. Les bleus lui astiquent sa plaque. On la passe au papier de verre gros grain avec du plus fin. Et puis on la frotte avec du feutre. On finit par la laver à l'essence. Surtout à l'essence. Surtout. Il y a la résine pure au visage, les vitriolés, il y a les copains, et même la chaleur qu'il fait est un secret. Il faut détruire les pelicans. Si on nous faisait défiler tous les porteurs de prothèses avec nos médailles, quand c'est au-dessous du genou, c'est une chance. On devient si petit sans ses prothèses. On rentre et on se perd de vue et on se retrouve dans les portails. Les autres ne me verraient pas, au moins. Il y aura un sapin, un Noël. Il était si tendre. Il voulait entendre sa mère. Il a reçu au moins, il a reçu 15 éclats. Je vous embrasse. Il n'avait qu'une demi-heure pour écrire avant la garde. Il a menti, sûrement. Mais les sacs dans la caisse de sein, ça a commencé par mon écartèlement maintenant. Il n'appartient qu'à nous. Sergent, sache que je ne le donnerai à personne, même pas. Do you want to marry me? No. Please give me a straight answer. Do you believe in God? No. Don't try to avoid the question. Give me a straight answer. Are you happy? No, but that's just my opinion. Don't fuck with me. Give me a straight answer. Are you Ben Laden? Don't try to avoid the question. Give me a straight answer. Do you prefer food or bombs? Bombs. And? Food. You're a good boy. Du Brésil, des iguanes vous mangent dans la main, des palmes synthétiques. Que peut-on montrer en 2 minutes et demie? Un gars qui a été marin et qui s'est affecté le moignon pour ne faire que ça. Ou un portrait, tantôt et toujours, ce qu'ils veulent entendre. Et l'affaire est dépassée. Et voici les premières maisons d'un village. Profil des Game Boy à son engeance, au museau plissé, aux paupières ligneuses. Elle permet de profil en dernier recours à la pointe du relèvement de la modale moderne. La voix ne s'est pas tue. That breathing voice tells me. La balle a traversé le cou de droite à gauche. Broyant la trachée. Blood without blood. Without, without, be without alcohol. That voice says, I can hear your voice. L'air maintenant siffle en sortant. Il n'y a pas de silence de mort. War without death, politics without police, cream without fat, blood without blood. That voice says, I can see you. La voix dit, je deviens. The voice tells us we are grasping the other's bodies. La voix me dit, nous sommes corps à corps. Les mélanges de chair et de boue s'affolent d'orifices. La voix me dit, ce sont les nôtres. It's a liquid flesh roar. Ça déflagre d'os, de la pince où ils pendent. Bombs. politics without skin, without skin, sex, whiteout, deads, war. La voix me dit que tu veux voir des yeux au bout qui finiraient par une exigence. The voice is ordering. This voice is hers. Le gras sans le réel, la fiction sans le gras sans gras, la guerre sans peau, réel sans guerre sans peau, sans mort sans réel, peau, gras, peau, gras sans mort sensuel. The voice says, I am following you. The voice says, our bodies are bound together. La voix me dit qu'elle nous suit. Place à une boule rouge. Without a sensual war. Wars without flags. It smells like corpse. De cailloux gras. Souffle. Souffle. Souffle. Souffle. Food. Food. Sandra, sans sexe, sans peau, suée, sans les peaux, la guerre, sans suée, réel, suée, sensuel, membre, peau, corps, sans, réel. Voice without a real body, without the real, without a voice, without blood, breath, without, without, breath. Mâchoire, serre, mâchoire, serre, mâchoire, serre. Only we. Membre, membre, d'autres membres, membre, fouille, fouille, la terre fouille, mâchoire, serre. Nous. Voice. You want to marry me? Without, without blood, breath, you. Body, desert, without. Fiction! See? Ha! See what you could concern! Il n'y a plus de visage. Nous avons fait d'incroyables progrès. Nous sommes les tendons, les rattachent encore au ranger sur le brancard. Deux jambes sectionnées lèvent. Ils sont morts à l'écran. We will win your hearts and minds or burn your fucking huts down. We will win your hearts and minds or burn your fucking huts down. We will burn your fucking huts down. Qui tourne ferait deux. Democracy is the answer. Democracy. La voix rats were killed. Nine rats were killed. Ils ont été cloués sur place. Give us two thumbs up. Civilians give us two thumbs up. Destroy the scorpion nest. Destroy the scorpion nest. Le choix de la démocratie. We restore freedom of making war. Freedom of making war. Perdez tous les yeux, la bouche, fumant. Coffee, corpse, condoms, cottage, like a doll, camp, come back, daddy, fuck you, dad, keep dying, sucker, but that's just my opinion. Deux petits poumons dans l'espace devenu trop grand pour eux. Je les entendrai encore. Nine rats were killed. We've thrown them food. We've thrown them bombs. We've done a lot for these bastards. We've done a lot for these bastards. Secouer la tour rauque, saccader nos poumons brûlés. Tous en cellule, nous pleurons pour peu. je vivrai 1000 ans. La voix me dit que d'une voix, corps sans voix, voix sans sueur, sueur sans face. Look without a face, look without to, face. A face to face. Face to tout face. Face to face. Tout. Tout. Tout. Face. Sans regard. Fact. We are the voice. Are the voice. Coffee without caffeine. Tout est. We have made amazing progress. Amazing progress. Some of the images you will see are extremely graphic. Some of the sounds you will hear are extremely sonic. Some of the words you will read are extremely significant. Some of the realities you will live are extremely real. Some of the fictions you will deny are extremely fictional. But there are no known enemies left intact. La canonnade et la fusillade s'amplifient. Les obus s'acharnent, émiettent le village. Les balles en furie labourent la chaussée pierreuse. Et d'un bond. Et l'air vibre et claque. Des branches cassées tombent sur la route. De la terre me saute au visage. Je suis passé. Pourtant un magnifique soldat. Une flamme rouge est passée sur mes yeux. Un souffle de feu m'a plaqué contre la falaise. Je me suis précipité vers l'entrée. Et dans la fumée noire, une main de fer m'a saisi par l'épaule gauche et m'a précipité à terre. J'ai entendu un cri épouvantable. Oh.